Merci Mike. Bonne soirée à toi. On te retrouve mercredi prochain, 19h sur Fadjet. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Music Live. On se retrouve ce soir sur Fadjet 94.2 et Fadjet.net pour un mercredi soir du mois imprévu, puisqu'on est le troisième mercredi du mois, mais c'est pour une bonne cause, puisque c'est pour une émission spéciale. En effet, vous êtes toutes et tous au courant que mercredi prochain sort dans tous les cinémas de France, de Navarre et en avant-première mondiale, avant même les États-Unis, le film Michael, retraçant le parcours artistique de Michael Jackson, The King of the Pop. Alors, à événement spécial, musique spéciale, émission spéciale à Fadjet, avec une super surprise en fin d'émission. Alors, générique, Eric. Music Live avec Yo, tous les deuxièmes et quatrièmes mercredis du mois, mais ce soir pour une émission spéciale. Tu es sûr de toi? Tu es fort. Tu es magnifique. Tu es le plus grand artiste de tous les temps. Il faut que je vous explique un truc. Dans la vie, soit on est un gagnant, soit on est un perdant. Vous avez envie de travailler à l'usine comme moi toute votre vie? Non, monsieur. Ouais, ben moi, j'en ai aucune envie. Vous êtes prêt à vous battre? Oui, monsieur. Plus fort, j'ai rien entendu. Vous êtes prêt à vous battre? Oui, monsieur. On y va quand tu veux, Michael. Vous savez ce que je veux? Vous voulez être la plus grande star du monde. On doit capitaliser sur le succès de Michael. Parce que The Jackson Family, c'est la marque, c'est notre Coca-Cola. Et il faut qu'on commence à vendre. Alors, j'organise une série de concerts autour du monde. C'est que le début. Je dois réfléchir. J'ai déjà réfléchi pour toi. J'aime ma famille. Mais j'ai envie de tracer ma propre route. J'ai toutes ces idées dans ma tête. Il faut que ça sorte. Alors lance-toi, Michael. T'es plus un gamin. Michael, dès que tu es né, j'ai su que tu étais différent. Tu brilles d'une façon unique. Je crois que la musique peut changer le monde. Répandre l'amour, la joie et la paix. C'est ce que je veux offrir au monde. La magie. Plus qu'un film, Michael va être une célébration mondiale qui va durer des semaines et des semaines et dont tous les records sont attendus. Pourquoi? Simple, vous construisez un film sur 10 ans, vous prenez un réalisateur oscarisé comme Antoine Fuqua, vous consacrez un budget de 155 millions de dollars, vous prenez comme acteur principal Jafar Jackson, le fils de Jermaine Jackson et le neveu de Michael. Vous faites écrire le scénario par John Logan, le meilleur auteur et scénariste d'Hollywood. Vous faites distribuer le film par Universal dans le monde entier avec plus de 250 copies rien qu'en France, alors que la moyenne est de 130, et par Lionsgate aux États-Unis, le distributeur de tous les records et des grands films. Vous faites une promo minimaliste en 24 heures qui est vue par 120 millions de spectateurs dans le monde et plus du triple avant sa sortie, et vous obtenez un film avant sa sortie qui sera sûr un très grand succès. Alors, mercredi prochain, est-ce que les records vont être battus? Sans doute. Quelques indices. À l'annonce du film, l'album Thriller est réapparu à la 8e place au top 100 américain. Les manifestations festives autour des projections s'annoncent comme autant de certitudes d'un énorme succès. Les albums de Michael Jackson ressortent en masse chez les disquaires. Le merchandising autour du film est prévu pour battre déjà tous les records. Et surtout, le nombre de séances prévues, 5 à 6 par jour, rien qu'en France dans chaque cinéma, sont les prémices d'un nouveau record. La production n'attend pas moins $1 milliard de recettes, mais espère davantage, car Endgame, Avatar et Titanic ont dépassé les 3 500 000 $ de recettes. Étourdissant. Une suite est même envisagée pour 2018 si le succès de ce premier opus est au rendez-vous. Le Brésil devait être le pays qui devait sortir en premier le film, mais Universal Europe a augmenté la mise pour que la sortie soit en France, en raison aussi du succès de la cérémonie d'ouverture des JO à Paris il y a 2 ans. De nombreux fans américains seront d'ailleurs à Paris pour l'événement. En France, le Grand Rex, le plus grand cinéma de Paris et de France avec ses 2800 places, a prévu une soirée spéciale le 21 avril à 21h, avec un gros renfort au niveau sécurité. 3 heures de spectacle et d'animation avant la diffusion du film à 00h01. Puis chaque jour, une animation de 30 minutes avant chaque projection en soirée. Les cinémas Kinépolis de France et de Belgique, dont celui de Nancy, ont prévu une séance spéciale appelée la séance Superfan le 22 avril à 19h30. Gaumont et Pathé ne sont pas en reste puisqu'ils projeteront, eux, le film en version 2D, 3D, IMAX et mettre 4D, 2D, je ne sais même pas ce que c'est. Avec des billets collector pour les premières séances. De nombreuses villes ont, elles aussi, prévu des animations et les groupes de fans, bien évidemment, vont se retrouver devant les cinémas chaque soir pour faire des concours de cosplay. Alors nous, à Fadjet, on a eu aussi envie de vous faire plaisir avec une exclue, une super surprise qui sera en fin d'émission. Stop. Mais avant, rappelons-nous. Michael Joseph Jackson est né à Gary, dans le Nevada, le 29 août 1958, d'un père prénommé Joseph, appelé Joe, ouvrier d'usine, boxeur et guitariste de quelques groupes locaux, et d'une mère, Catherine, qui est femme au foyer, mais musicienne également, qui rêvait d'être la première femme noire à devenir vedette de la country. La famille eut 10 enfants, dont Michael. Tous les enfants ont baigné évidemment dans la musique depuis leur naissance, malgré des conditions modestes, puisque les parents vivaient dans un petit appartement qu'ils avaient acheté et qui ne comptait que 2 chambres. En 1960, Joe, le papa, réunit la famille et leur annonce « Dans la vie, soit on est les winners, soit on est les losers. Alors on va faire de la musique. » En connaissant le monde du show business qu'au travers des émissions d'un poste de télévision qu'ils avaient gagné lors d'un concours de chant local avec ses 3 fils aînés. Les 3 aînés, managés durs par leur père, commencent à se faire connaître de leur comté et en se nommant les Jackson Brothers. Marlon et Michael les rejoignent comme l'avait prévu Joe en 1964. Michael n'a que 6 ans. Leur père les fait travailler, répéter encore et encore des heures et des heures. Lui installé sur une chaise en face d'eux, avec la ceinture prête à être utilisée la moindre erreur. Leur mère ne les ménage pas non plus sur un plan psychologique. Michael entre dans une solitude profonde, une grande timidité, une grande fragilité. Et ce sera d'ailleurs le seul à raconter cette sale période. Et où son père d'ailleurs s'en excusera, mais bien plus tard, en minimisant les faits. Michael devient le chanteur leader du groupe, avec Jermaine, en 1965. Ils sont rebaptisés par leur père, les Jackson 5. Leur succès maintenant dépasse l'état du Nevada. Ils jouent dans tous les endroits possibles aux USA, même dans les boîtes de striptease. Un soir de 1968, où ils gagnent un tremplin à l'Apollo 5, bon, c'est quand même une des plus belles boîtes de jazz des États-Unis, à New York, pour justement en avoir la possibilité d'y jouer un soir par semaine, ils sont repérés et signés par la Motown. En 1969, la marque demande à Diana Ross, pour retrouver le succès à la télé qu'elle a un petit peu perdu, de faire une émission qui sera enregistrée sous forme d'album et qui s'appelle Diana Ross Present the Jackson 5. Le succès est immédiat et passe au Ed Sullivan Show, l'équivalent de notre Michel Drucker en France, Poisson, dès le lancement du disque. Qui ne se souvient pas de ce titre ? Thank you. Et comme il dit « Oh baby », tout le monde craque pour ce gamin. Et dans celle-là, vous vous souvenez de cette chanson-là aussi ? Et voilà, Évidemment, les Jackson 5 deviennent des vedettes dans tous les États-Unis et Michael devient le gamin surdoué pour le public et les médias. D'ailleurs, ils vont même faire une bande dessinée qu'on découvrira en France dans le début des années 70. Leur père et la Montagne ont bien reniflé le coup, le groupe, et Michael en solo sort 4 albums en 4 ans et de multiples 45 tours, tous des succès. Ils deviennent même les personnages, comme je le disais, du dessin animé de Jackson 5. Avec le titre phare, en 72, Michael passe du statut de l'enfant prodige à la star des ados. Il fait son premier album solo, justement, en 1972, hors de la famille, et avec ce titre phare. Voilà, sa carrière solo est lancée, mais il n'abandonnera jamais pour autant ses frères et sa famille, comme par exemple dans cet album de 1980, signé par leur nouveau nom, maintenant il s'appelle The Jackson, et pour les concerts aussi aux États-Unis et quelques en Europe. Le titre phare de cet album d'ailleurs va tous et a fait tout le monde danser. Jusqu'à 21h, c'est Music Live sur Fadjet. « Et donc, ça y est, sa carrière est partie, comme je le disais juste avant la chanson des Jackson. Sa vie est maintenant ailleurs. En 1977, il joue dans le film Le Magicien d'Oz. C'est un échec commercial, malgré une belle distribution, un bon réalisateur. Mais pour Michael Jackson, c'est le film qui va sûrement le propulser encore plus haut. En effet, la bande musicale du film est réalisée par un dénommé Quincy Jones, déjà une star à son époque. Et pour répéter ses séquences de danse, il va passer des journées entières au Studio 54 à New York, où il habite et où il rencontre la fine fleur de ce qui deviendra le hip-hop et la beatbox. En 79, Quincy Jones, donc la star notamment de plein d'artistes, Miles Davis, etc. Le rencontre une deuxième fois et lui dit « Maintenant Michael, tu es un adulte, et il est temps de faire un disque ensemble. » Il a 21 ans. Ils vont travailler sur l'album pendant 6 mois, sans relâche, et sortir 2 méga tubes mondiaux et 4 titres dans le top 10 USA, un record. Ainsi qu'obtenir 4 Grammys en 1979, en 1980 et en 1981. Voici les deux premiers grands titres de cet album. Musique live de 20h à 21h sur Fadjet. Michael Jackson. Vous êtes debout là chez vous? Allez, on danse. Dance. Ce soir, c'est bizarre, sur l'autoroute, tout le monde a bloqué la voiture et danse. Allez, on continue. Dance. Yeah. Le 25 mars 82, vous savez que sur le premier album, sa fortune est déjà faite. Mais pour lui, seule la musique compte. Michael et Quincy savent qu'ils peuvent faire encore plus et mieux. Ils vont ensemble travailler sur un nouvel album durant 2 ans, mettant lui sa patte et en prenant les meilleurs musiciens américains dont la plupart ont joué ou joueront avec le groupe Toto. Michael, quant à lui, écrit les paroles et trouve des rythmes. Et il rajoute évidemment, mais Quincy, quelques autres musiciens de tout premier choix. Pour Quincy, la recette est simple. Pour faire de la meilleure musique possible, il faut le moindre accord possible, avec un tempo vif, en boucle, le travailler encore, encore et encore pour atteindre le génie. Comme je le disais, le 25 mars 1982, Michael rejoint ses frères sur scène pour un show télévisuel à la télé à New York et devant 2000 spectateurs et des millions de téléspectateurs pour la célébration des 25 ans de la fameuse Motown. Ils interprètent les 2 dernières chansons de la soirée, le spectacle se termine ainsi, mais Michael revient sur scène. Il dit avec sa petite voix: je vais vous chanter une nouvelle chanson. Et là, un météorite percute la terre. N'allez plus dans le centre-ville de Nancy, toutes les rues sont bloquées, tout le monde écoute Padgett et tout le monde danse. Oh, qualité magique dans cette chanson. D'abord, il y a le beat, le tempo, qui nous donne envie de danser toute la nuit. Il y a évidemment la voix de Jackson et ses petits cris. Il y a la voix qu'il ressent à travers les pas de danse et à travers la danse. Et puis, il y a une nouveauté chez Jackson, il y a le moonwalk, ce qu'il va appeler le moonwalk. Et savez-vous que le moonwalk, cette fameuse danse qu'il a propulsée, où tous les gamins du monde l'ont dansé, eh bien, le moonwalk est un hommage au, à un Français, et oui, le mime Marcel Marceau, qui, dans son spectacle « Marche contre le vent », regardez, vous le retrouverez peut-être sur les réseaux sociaux, sur YouTube, vous verrez qu'il fait quasiment exactement le même pas de danse que Michael Jackson. Voilà, donc c'est ce qui a aussi participé grandement à la réussite phénoménale de ce disque. Alors évidemment, Billie Jean et 6 autres titres de l'album seront classés number one dans plus de 50 pays. Plus de 100 millions d'albums ont été vendus dans le monde à ce jour. Ils ont eu 12 nominations aux Grammys la première année, 13 nominations l'année suivante. Il devient lui tout seul le sauveteur de l'industrie musicale, déclare le Times. Sa fortune et celle de Quincy Jones, cette fois-ci, deviennent hors sol. Des titres magiques, dignes d'un extraterrestre qu'on n'a jamais entendu nulle part, comme ce titre-là, avec le solo d'un dénommé Eddie Van Halen. Vous êtes sur Music Live, avec Yo, sur Fadjet, soirée spéciale Michael. Don't you ever come around again. Don't wanna see your face, you better disappear. Terre reçoit une nouvelle secousse proche de 10 sur l'échelle de Richter et de l'échelle de l'industrie musicale mondiale l'année suivante, avec la sortie d'un clip de 14 minutes réalisé par John Blutbother Landis, monté pour l'unique fois en intégrale depuis l'existence de la télé en France, un journal de 20 heures. Avec mon PPD qui comprend pas tout, monsieur, bonsoir, et mon Johnny qui en pousse un fameux cri, Hache coucou. Album tellement universel que le jazzman le plus doué de tous les temps, Miles Davis, va reprendre un de ses titres pour tel une rockstar et comme annoncé ce soir-là de 1985 pour nous proposer sa version de Human Nature. Mais tout cela ne lui suffit pas encore. Il compose avec Lionel Richie en 1985 l'hymne à la guerre contre la famine en Éthiopie, le 45 tours le plus vendu au monde, We Are The World. De ce succès planétaire unique de toute l'histoire de la musique naissent toutes ses extravagances. Il rachète le catalogue entier de Paul McCartney, avec lequel il fera deux duos, et avec d'autres artistes aussi. Dort, dit-on, dans un caisson hyperbare, fait de la chirurgie esthétique à n'en plus finir, etc., etc. À chaque semaine, sa news, vraie ou fausse, les millions tombent, mais à quel prix ? Très attendu, en 1987, sort le nouvel album Bad, toujours avec Quincy, encore un bijou de modernité. Maintenant, on n'achète plus les 45 tours. On achète directement des albums, des CD, des DVD, la compile, sans même en avoir rien entendu. Tout ce que fait Michael Jackson est de l'or. Retrouvez Lionel, dit Yo, avec son émission Music Live. Et il repart dans la foulée après la sortie de son album en tournée avec le Bad Tour. Ils sont 100 000, 200 000, 300 000, 500 000 et même 1 million pour venir le voir chaque soir en concert, comme un soir à Rio de Janeiro. En 1991, c'est l'album Dangerous, l'album le plus coûteux de tous les temps, d'un montant de 150 000 dollars. Et rebelote, ça n'en finit plus. Il y aura même un concert à Budapest qui coûtera aux organisateurs 20 millions de dollars en exigeant des prix raisonnables pour tous les spectateurs, ce qui en fait encore aujourd'hui le concert le plus cher de tous les temps. Qui sera d'ailleurs largement amorti après la sortie du DVD de cette soirée. Said goodbye. La vie est drôle parfois parce qu'il chante « You are not alone » et lui, en fait, il est tout seul. La descente aux enfers commence malgré deux derniers albums à un grand succès. Le premier, c'est en 1995, « History », avec une compile réenregistrée, réarrangée et quelques nouveaux titres, puis une tournée de « History Tour » qui rapportera 150 millions de dollars, et enfin l'album « Invincible » en 2002. Du bonheur pour toute la planète, mais l'enfer pour lui des années durant, à en être ruiné. Et en préparant un nouveau spectacle à Londres pour se remettre à flot, et qu'il annonce d'ailleurs comme étant déjà le dernier de sa carrière, il a alors 50 ans. Mais le jeudi 25 juin 2009, quelques jours avant la première à Londres, une nouvelle et dernière secousse réveille la planète. Michael Jackson est mort. Une vie à la Elvis Presley, à la Freddie Mercury, à la Marilyn Monroe et tant d'autres. Il y a un moment où il n'y a plus le choix. Il faut aller au bout, même si les projecteurs vous brûlent. Nous le retrouvons pour un dernier moment d'autologie, celui du 18 janvier 1996 à Pasadena, en Californie, lors de la mi-temps du Super Bowl. Mais avant d'écouter cette chanson et de nous quitter, voici la surprise et le jeu que vous attendez depuis le début de l'émission. Si vous m'aviez bien écouté, alors la réponse à cette question est très simple. Quel est le groupe américain dont la grande majorité de ses musiciens a participé aux albums et à la gloire de Michael Jackson? 1. Eagles. 2. Toto. Envoyez-nous la bonne réponse par Messenger sur le groupe Facebook Music Live by You on Fadjet, avec dans le message la bonne réponse, évidemment, votre numéro de téléphone et votre prénom. Les deux premières personnes qui m'auront envoyé la bonne réponse seront contactées par moi-même demain afin de venir chercher leur billet et assister. Les premiers et en VIP à la toute première séance de projection du film Michael au cinéma UGC Ciné Cité de Ludres le mercredi 22 avril à 10h45. C'est la toute première projection du film. Attention, 3, 2, 1, top départ. C'est à vous de jouer et bonne chance à tous. On se quitte avec Michael Jackson et Heal the World. À mercredi prochain, même heure, même endroit, avec mon invité, Angelo Cariello. Belle soirée avec Fadjet. On attend tous le retour de Michael. The children of Los Angeles have created their own personal drawings as a gift to the children of the world. Today, we stand together all around the world, joined in a common purpose to remake the planet into a haven of joy and understanding and goodness. No one should have to suffer, especially our children. This time, we must succeed. This is for the children of the world. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry.